live music. Avec Yo. Sur Fadjet. Tous les derniers mercredis du mois à 20h. Eh bien bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Fadjet CEO pour l'émission Music Live numéro 3. C'est chaque dernier mercredi du mois à 20h sur Fadjet. Vous le savez, pour moi la musique est vivante, alors le mieux c'est d'aller les voir en concert, tous les concerts, que ce soit au bord du coin, que ce soit dans la rue ou dans les salles et les festivals. Cette nouvelle émission sera la restitution d'un concert d'une heure. Eh bien, les voilà, ils arrivent sur scène. C'est sans aucun doute le groupe américain le plus célèbre dans le monde entier, encore en activité. Je veux parler du groupe Les Eagles. Le band est né en 1972 sous l'impulsion de Glenn Frey au chant, la guitare et dans les compos, qui s'associe à Don Henley à la batterie, chant, compos, pour fonder le groupe avec des musiciens qui tournaient à l'époque avec Linda Ronstadt, l'expérimenté Bernie Leadon à la guitare et au banjo, et aussi Randy Messner qui lui était à la basse. Alors, depuis septembre 2024, ils sont dans une nouvelle salle qui se trouve à Las Vegas, qui est le Sphere. Alors, c'est une salle absolument grandiose. Vous pouvez d'ailleurs découvrir comment elle est formidable en allant sur Internet et vous faites The Sphere, Las Vegas. Vous irez de surprise en surprise, tellement tout est gigantesque. Alors voilà, le spectacle, c'est une restitution du spectacle donc de Las Vegas. Faites attention quand même, parce que là vous êtes dans une salle où si vous êtes au dernier rang, vous êtes à une hauteur du 35e étage d'un building, soit 125 mètres de hauteur. Le concert démarre par une intro spectaculaire et arrive cette chanson que tout le monde connaît. Hotel California, let's go. Alors là, il faut savoir que vous êtes dans une salle qui ressemble à la Géode. Si vous êtes déjà allé à la Cité des Sciences à Paris, la Géode, c'est une boule où on projette des images qui font quasiment le tour de la boule à l'intérieur. On est dans une salle comme ça. Et donc là, le spectacle commence par la visite de la ville de Los Angeles. Et puis, il y a un orage. Et puis, il y a une voiture qui arrive. Et puis... par Don Felder en 1976 sur un rythme hispanique rock écrit par Glenn Frey et Don Henley. Pour le solo, Don Felder et Joe Walsh travaillèrent durant des semaines, enrichissant encore davantage le jeu de solo à deux pour en arriver auprès d'eux au meilleur résultat possible. Et ça le fait, puisque 49 ans après, on l'a toujours en tête. Thank you. Fameux solo. C'était les Eagles avec Hotel California. Si vous nous rejoignez sur Fadjet, vous êtes dans Music Live et c'est une soirée spéciale concert puisque nous diffusons un concert des Eagles. On continue donc après ce premier titre avec le concert se poursuit avec One of These Nights. Alors, c'est le titre phare de l'album du même nom de 1974 avec l'arrivée cette fois de Don Felder dans le groupe, l'ami d'enfance de Benny Lydon, qui lui se fâcha en 1975 l'année d'après avec Glenn Frey, le traitant de dictateur et quitta le groupe sans avoir oublié pour autant de lui casser une canette de bière sur la tête en sortant de scène. C'est ça aussi le rock. Allez, on écoute One of These Nights. Thank you. to find out pretty mama what turns on your lights. The full moon is calling, the fever is high, and the wicked wind whispers and moans. Well, you got your demons and you got desires, but I got a few of my own. Ooh, someone to be kind to in between the dark and the light. Ooh, coming right behind you, I swear I'm gonna find you one of these nights. One of these dreams, one of these lost and lonely dreams. Now you're gonna find one. Vous êtes à la Sphère à Las Vegas ce soir avec Fadjet dans Music Live et on continue le concert des Eagles avec le titre Peaceful Easy Feeling. C'est un titre de 1972 composé par Bernie Lydon et interprété aujourd'hui par Deacon Frey, le fils de Glenn Frey, qui est lui décédé en 2016. Cool. Live ce soir, c'est les Eagles en concert. Et voilà, c'était Peaceful Easy. Groupe des Eagles, c'est bien sûr toute l'âme de la musique californienne. Et là, on va écouter maintenant un titre qui est vraiment un des titres phares du concert, puisqu'il s'agit de Take It Easy, un titre de leur tout premier album en 72 et qui fut seulement, non seulement un énorme succès, mais également qui est devenu une expression populaire. On pourrait dire « sois cool » ou alors « te prends pas la tête » aujourd'hui. Et c'est interprété également par Dick Humphrey, en rendant hommage à chaque fois, évidemment, à son père. Les Eagles sur Live Music. Sound of your own wheels drive you crazy. Les Eagles. Et on continue avec aussi un titre phare de la carrière des Eagles qui s'appelle Take It to the Limit, composé par Randy Meisner, qui a quitté le band en 1977. Randy est malheureusement décédé en 2023. La chanson est tirée de l'album One of These Nights. Aujourd'hui, c'est la star de la country music, Vince Gill, qui a intégré le groupe des Eagles en 2017, qui chante ce titre en hommage à Randy. To the Limit, avec Vince Gill à la voix pour les Eagles. Vous êtes ce soir presque en direct. de Las Vegas, de la sphère, où vous avez pour la soirée un concert avec les Eagles. Et dans le show intervient maintenant In the City, la chanson qui montre l'évolution rock californien du groupe dans leur parcours. En effet, l'arrivée de Joe Walsh en 1975 correspondait au vrai esprit rock suggéré depuis longtemps par Glenn Frey, même si Walsh était considéré comme ingérable du fait de toutes ses addictions. C'est un formidable compositeur et véritable guitare héros qui était sur le même label, Asylum. Il ne pouvait que devenir une pièce majeure du groupe et d'une sacrée complicité avec Don Felder à l'époque. Ce titre est une composition de Joe en 1979 pour l'album The Long Run, et c'est maintenant. Thank you. Ce soir en live au Sphere à Las Vegas, on écoute les Eagles avec un nouveau titre qui continue le concert qui s'appelle Boy of Summer. C'est un titre d'une composition de Don Henley pour un de ses albums solo de 1984 qui rencontra un énorme succès. À leur réunification en 1993, 13 ans après leur séparation, ce titre apprécié de tout le monde et surtout du public fut intégré à leur concert depuis systématiquement Boy of Summer. Cool sur Fadjet. Musique live, les Eagles, Abigail Bell. Sur l'autoroute de Malibu, on est dans un vieux pick-up Ford, la vie belle. Thought I knew what love was. What did I know? Boy of Summer. On continue le concert avec un mythique titre des Eagles, titre de 73 du second album concept du même nom, Desperado, repris en 74 par Linda Ronstadt elle-même. Il termine toujours le concert avant les rappels, une magnifique composition de Henley et Fry, Desperado. Il fait bon sur Fadjet, le soir tranquille, les Eagles à Las Vegas. Desperado, why don't you come to your senses? You've been out riding fences for so long now. Oh, you're a hard one, but I know that you got your reasons. These things that are pleasing you will hurt you somehow. Don't you draw the queen of diamonds, boy? She'll beat you if she's evil. You know the queen of hearts is always your best bet. And now it seems to me some fine things have been laid upon your table, but you only want the ones that you can't get. Desperado, you ain't getting no younger. Your pain and your hunger, they're driving you home. Freedom, oh freedom, well, it's just some people talking. Your prison is one world all alone. Don't your feet get cold in the wintertime? The sky won't snow and the sun won't shine. It's hard to tell the nighttime from the day. You're losing all your highs and lows. Ain't it funny how the feeling goes? Desperado, c'est comme ça que finit la deux premières parties du concert avant les rappels habituels. Bon, faut dire qu'un vrai concert des Eagles, c'est 2h30, hein. Donc on a le temps entre les différents tableaux, et celui qui arrive est une chanson qui s'appelle Early Tonight dans les rappels. C'est le titre de l'album The Long Run de 1979, chanson composée par Bob Seger. Elle termine depuis quelques années les concerts des Eagles. C'est une superbe chanson, et sur l'intérieur donc du globe de la sphère, il y a pendant cette chanson-là des milliers de photos des Eagles, de tout leur parcours, de leur vie, puisque ça dure depuis 1972. C'est pas rien, c'est quand même un des groupes qui a tenu et duré le plus longtemps, et d'ailleurs avec toujours le même succès, puisque si vous voulez aller voir un concert des Eagles, ils jouent, ils reprennent à partir de septembre jusqu'à novembre, peut-être décembre, c'est pas sûr, à raison de 4 concerts par mois, et bon, faudra quand même débourser, puisque c'est entre les places sont entre 460 euros et 5000 euros. Ouais, oui, c'est ça, Las Vegas. Bon, allez, All Right Tonight. It's gonna be Et voilà, allez, on se fait un petit encore, même si on va pas pouvoir diffuser la chanson à son terme. Mais celle-là, on pouvait pas la, elle pouvait pas échapper. C'est Life Been Good, Life Been Good de Joe Walsh. Qui avait été composée par Joe Walsh pour son album solo, qui est apprise par le groupe parce que un succès est terrible. Et donc ça, c'est 77. Et si vous avez jamais vu le clip de Joe Walsh, allez voir, ça vous en pesant de cacahuètes. on peut pas aller jusqu'au bout. Elle fait 8 minutes 30. Hein. Eh bien, pour aujourd'hui, bah c'est terminé. Ça y est. Music Live se termine. Si vous voulez tout savoir sur les Eagles, je vous conseille cette page sur Facebook. The Eagles Welcome to the Legend. Et aussi le livre d'un ami, Alexis H., dont le livre s'intitule Eagles Live in the First Lane. Voilà. Merci à tous et tous d'avoir écouté cette émission. Pour pouvoir nous retrouver aussi en podcast sur Fadjet.net et sur le groupe Facebook Music Live by You on Fadjet. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission et cette fois, surprise, surprise. D'ici là, n'oubliez pas que la musique est vivante. Alors allez voir des concerts. La bise à toutes, à tous. Ciao.